Jérémie chapitre 29. Or ce sont ici les paroles des lettres que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens de ceux qui avaient été transportés, et aux sacrificateurs et aux prophètes, et à tout le peuple que Nebuchadnetsar avait transporté de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéchonia fut sorti de Jérusalem, avec la régente, et les eunuques, et les principaux de Juda et de Jérusalem, et les charpentiers, et les serruriers. Par Elasa, fils de Safan, et Gemaja, fils d'Ilkija, lesquels Sédécia, roi de Juda, envoya à Babylone vers Nebuchadnetsar, roi de Babylone, et ses lettres étaient de telle teneur. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous ceux qui ont été transportés, et que j'ai fait transporter de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, et y demeurez, plantez des jardins, et en mangez les fruits. Prenez des femmes, et engendrez des fils et des filles, prenez aussi des femmes pour vos fils, et donnez vos filles à des hommes, et qu'elles enfantent des fils et des filles, et multipliez-la, et ne soyez point diminués. Et cherchez la paix de la ville dans laquelle je vous ai fait transporter, et priez l'Éternel pour elle, parce qu'en sa paix vous aurez la paix. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que vos prophètes qui sont parmi vous, et vos devins, ne vous séduisent point, et ne croyez point à vos songes que vous songez. Parce qu'ils vous prophétisent faussement en mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Car ainsi a dit l'Éternel, lorsque les 70 ans seront accomplis à Babylone, je vous visiterai, et je mettrai en exécution ma bonne parole sur vous, pour vous faire retourner en ce lieu-ci. Car je sais que les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel, sont des pensées de paix, et non pas d'adversité, pour vous donner une fin telle que vous attendez. Alors vous m'invoquerez pour vous en retourner, et vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, après que vous m'aurez recherché de tout votre cœur. Car je me ferai trouver à vous, dit l'Éternel, je ramènerai vos captifs, et je vous rassemblerai d'entre toutes les nations, et de tous les lieux où je vous aurai dispersés, dit l'Éternel, et je vous ferai retourner au lieu dont je vous aurai transporté. Parce que vous aurez dit, l'Éternel nous a suscité des prophètes qui ont prophétisé que nous viendrions à Babylone. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, touchant le roi qui est assis sur le trône de David, et touchant tout le peuple qui habite dans cette ville, c'est-à-dire, touchant vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi a dit l'Éternel des armées, voici, je m'en vais envoyer sur eux l'épée, la famine et la mortalité, et je les ferai devenir comme des figues qui sont étrangement mauvaises, et qu'on ne peut manger, tant elles sont mauvaises. Et je les poursuivrai avec l'épée, par la famine, et par la mortalité, et je les abandonnerai à être agités par tous les royaumes de la terre, et pour être en exécration, en étonnement, en raillerie et en opprobre à toutes les nations parmi lesquelles je les aurai dispersés. Parce que, dit l'Éternel, ils n'ont point écouté mes paroles qui je leur ai fait annoncer par mes serviteurs les prophètes, en me levant dès le matin, et les envoyant, et vous n'avez point écouté, dit l'Éternel. Vous tous, donc, qui avez été transportés, et que j'ai renvoyé de Jérusalem à Babylone, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, touchant Achab, fils de Colaja, et touchant Sédécia, fils de Maaséja, qui vous prophétisent faussement en mon nom, voici, je m'en vais les livrer en la main de Nebuchadnetsar, roi de Babylone, et il les frappera devant vos yeux. Et on prendra d'eux un formulaire de malédiction parmi tous ceux qui ont été transportés de Juda, qui sont à Babylone, en disant, l'Éternel te met en tel état, qu'il a mis Sédécia et Achab, lesquels le roi de Babylone a grillés au feu. Parce qu'ils ont commis des impuretés en Israël, et qu'ils ont commis adultère avec les femmes de leurs prochains, et qu'ils ont dit en mon nom des paroles fausses, que je ne leur avais pas commandées, et je le sais, et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Parle aussi à Semaja, Néélamite, en disant, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que tu as envoyé en ton nom des lettres à tout le peuple qui est à Jérusalem, et à Sophonie, fils de Maaséja, sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, en disant, l'Éternel t'a établi pour sacrificateur en la place de Jéhojada le sacrificateur, afin que vous ayez la charge de la maison de l'Éternel sur tout homme insensé, et faisant du prophète, pour les mettre en prison et au fer. Et maintenant, pourquoi n'as-tu pas réprimé Jérémie d'Anatote, qui vous prophétise? Car à cause de cela il nous a envoyé dire à Babylone, la captivité sera longue, bâtissez des maisons, et y demeurez, plantez des jardins, et mangez-en les fruits. Or Sophonie le sacrificateur avait lu ces lettres-là, Jérémie le prophète l'entendant. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en disant, « Mande à tous ceux qui ont été transportés, et leur dit, ainsi a dit l'Éternel, touchant ces Majas, les Élamites, parce que ces Majas vous a prophétisé, quoique je ne l'ai point envoyé, et vous a fait confier au mensonge. À cause de cela, l'Éternel a dit ainsi, voici, je m'en vais punir ces Majas, les Élamites, et sa postérité, et il n'y aura personne de sa race qui habite parmi ce peuple, et il ne verra point le bien que je m'en vais faire à mon peuple, dit l'Éternel, parce qu'il a parlé de révolte contre l'Éternel.